Comment diriez-vous, quand sera-t-il là? Wann wird er? Wird er hier sein? Bien, dites-le encore une fois. Wann? Wann wird er hier sein? Oui, d'accord. Wann wird er hier sein? Nous avions vu que prêt en allemand se dit fertig. Alors, comment direz-vous c'est prêt? Es ist fertig. Es ist fertig. Oui. Et ce sera bientôt prêt. Ça va bientôt être prêt. Es wird bald fertig sein. Es wird bald fertig sein. D'accord. Et maintenant, quand est-ce que ce sera prêt? Wann wird es prêt? Fertig sein. Wann wird es fertig sein? C'est ça. Donc ici, vous avez utilisé wann pour poser une question et inversé es et wird. Et maintenant, comment direz-vous j'aimerais savoir quand ce sera prêt? Ich möchte, oui. Et savoir se dit wissen. Bien. Ich möchte wissen. J'aimerais savoir quand ce sera prêt. Ici, quand n'introduit pas une question, il est en milieu de phrase. Or, lorsque les mots ou expressions servant à poser des questions, telles que wann, quand, um wie viel Uhr, à quelle heure, ou encore warum, pourquoi, se trouvent en milieu de phrase, il se passe la même chose que pour les phrases introduites par weil. Le verbe est rejeté à la fin. Donc, j'aimerais savoir, ich möchte wissen, quand ce sera prêt? Wann es fertig sein wird. Très bien. Ich möchte wissen, j'aimerais savoir, wann es fertig sein wird. Quand ce sera prêt? Comment diriez-vous, cela serait prêt aujourd'hui? Es würde aujourd'hui, heute, fertig sein. Bien. Es würde heute fertig sein. Et comment diriez-vous, cela peut être prêt aujourd'hui? Pouvoir, können et devoir, müssen, tout comme werden et würden, tous ces verbes sont ce que j'appelle des porte-manteaux, parce qu'ils sont suivis d'un infinitif. Ils portent un verbe à l'infinitif. Donc, ça peut être prêt aujourd'hui, se dira... Es kann aujourd'hui. Es kann heute fertig sein. Es kann heute fertig sein. Et ça sera prêt aujourd'hui. Ça va être prêt aujourd'hui. Es wird heute. Es wird heute fertig sein. Bien. Es wird heute fertig sein. Mais comment direz-vous parce que cela sera prêt aujourd'hui? Parce que cela va être prêt aujourd'hui. Weil es aujourd'hui heute fertig sein wird. C'est ça. Weil es heute fertig sein wird. Donc avec weil le premier verbe, ici « wird », est rejeté en fin de phrase. Et maintenant, comment direz-vous « parce que cela ne peut pas être prêt aujourd'hui » ?« Weil es »« Weil es »« Heute »« Heute »« Nicht fertig sein wird » Là, vous avez dit « parce que cela ne sera pas prêt aujourd'hui » Mais je vous ai demandé parce que cela ne peut pas être prêt aujourd'hui. Weil es heute nicht fertig sein kann? Bien, weil es heute nicht fertig sein kann. Comment diriez-vous « Je veux savoir quand ce sera prêt »? Je veux savoir. Ich. Ich will. Ich will. Oui. Will est un verbe portemanteau, donc ich will. Wissen. Ich will wissen. Ich will wissen. Ich will wissen. Quand ce sera prêt? Avec wann, quand, il se passe comme avec weil. Donc, ich will wissen, quand ce sera prêt. Wann es fertig sein wird. C'est ça. Wann es fertig sein wird. Et maintenant, je veux savoir, ich will wissen, à quelle heure ce sera prêt. Um wie viel ou... À quelle heure? Um wie viel... Um wie viel Uhr es fertig sein wird. Um wie viel Uhr es fertig sein wird. Et maintenant, comment diriez-vous « J'aimerais savoir à quelle heure ce sera prêt aujourd'hui ?» Ich möchte. Oui, ich möchte. Ich möchte. Savoir. Wissen. Bien. Ich möchte wissen. À quelle heure? Um wie viel Uhr? Um wie viel Uhr? Ce sera prêt aujourd'hui. Es. Es. Heute. Fertig. Sein wird. Bien. Ich möchte wissen, um wie viel Uhr es heute fertig sein wird. Comment diriez-vous « J'aimerais savoir pourquoi cela ne peut pas être prêt aujourd'hui ?» Encore une fois, ici, « pourquoi » n'est pas placé en début de phrase, mais au milieu, et donc entraîne le rejet du verbe à la fin de la phrase, comme c'est le cas aussi avec « weil ». Commençons par « J'aimerais savoir pourquoi ». Ich möchte wissen, warum. Warum? Cela ne peut pas être prêt aujourd'hui. Es heute fertig? Vous avez oublié ne pas. Pourquoi cela ne peut pas être prêt aujourd'hui? Warum? Warum es nicht heute fertig sein kann? Bien. Ich möchte wissen, warum es nicht heute fertig sein kann. Ou bien, ich möchte wissen, warum es heute nicht fertig sein kann. Donc, vous voyez qu'ici, avec wann, quand, um wie viel Uhr, à quelle heure, ou encore warum, pourquoi, on retrouve la même situation qu'avec weil, où le verbe est rejeté à la fin de la phrase.